envie de te savoir tout près de moi. Toi, oui, dans le noir, tout contre moi. Oui, toi, c'est cette passion qui brûle au fond de moi. Toi, encore une fois, je veux de toi. Je veux vivre de tes passions, de tes folies et de tes rêves. Je veux plonger mon regard et m'oublier dans un si beau miroir. Je voudrais encore une fois entendre le son de ta voix et m'évader pour toujours, m'enfuir avec toi. Sentir chalé.